إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنتير بوب دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصائد الشيطان. بلينجي نيجي الباب السادس ñanga won fa borom téré bi doon woné ni ndekata xol mom su féké sagan na wala bok gëlem na bala xasu wala mu jafandu wala mu langamu ci leneen ludul yalla jël lolu tek ko place yalla diko yaakar di ci dimbaniku di ci wakirlu diko jaamu xol bobu yaquna yaqu go xamanteni ni wax deug ak defaru du amat ludul febar bobu dugg ci wala virus bobu dugg ci da fay daldi gennat ci xol bi bu genné xol ba dogo meuna nak nekkat xol bo xamni bu waju la pour meuna defar waye tanka lolé nga xamni wuté nak borom bi azza wa jalla mi ngi ci bir xol bobu ba légui febar ba nga fa bu ko défé yow mi nga xamni yaay muskalaf bi yow yaay défal sa bop diagnostic xol mbir yi nga xamni du yalla té nga héberger len ci sa bir xol jox len fa place jox len fa maqama jox len fa tollu way tollu way bo xamanteni ni mbir yoy nga gëna bëgg ka yalla mbir yoy nga gëna yaakar ka yalla mbir yoy ngay gëna sukkas ndiku ka yalla xemem tefu wala bëgg bëgg mbir yoy mom ngay jital ci bëgg bëgg sunu borom digle mbir yoy wala orientation mbir yoy mom ngay jital ci orientation sunu borom lolu boko xolé nga gis ni wax deug sa xol non la mel xamal ni kon febar mi ngi ci sa xol febar bo xamni akku guer mom desu ko ci yaakar ludul lolu nga genné ko ci xol bi kon lolu lu jara bayyi xel la lolu moy yoon wi nga xamni ci la nit ki di jaar muy yoonu pratique pour meuna defar xolam ndax xam ngeen ne xol mom bu baxee lepp bax waye bu yaqo lepp yaqo kazalika waxon nañ la ni mbir yi nga xamni day lor xol diko yaq amna ci mbir yo xamni dang koy gawa sentir amna ci yo xamni nak do ko gawa sentir amna ci mbir yo xamni day visible manam day fess ndax day fete biti waye amna ci mbir yi yo xamanteni ni day neubou day fete bir day melni rek yaram bu febar mango xam nga tay virus meuna nek sa bir yaram ngay dund ak mom fukki at ñaar fukki at mu lay dor di daanel waye lego leg virus meuna ñew ci saasi nga sentir ko ci saasi xolit kazalika non la mel kon lu jara bayyi xel la mu ne kon xamal li dal xol deug jik wëram ak deug jik baxam moy xol bi nga xamni yalla rek mom la jappé yalla yalla rek la jappé divinité yalla rek la jappé borom mangok yalla rek la jappé kamuy jaamu bëgg ko diko yaakar waya ragal ko di wakirlu ci mom di delu ci mom di sukkasndiku ci mom bangok du delu ci leneen lolou motax bo xolé islam mbir yi muy téré souvent lego lek xelum doomu adama gatt bané ah ki mom day faj rek lan motax islam bi téré lolou fekk islam téréwul faj mais fajin wala islam téré ndax fajin wowo day impliquer leneen dal di dugg sa xol occupé fa place ba nga xamni moy fa nga warona yakare sa borom fa nga warona wakirlo sa borom fa nga warona sukkasniko sa borom gis nga xol bi dal di occupé lolu lolé dal di occupé xol ba bu ko defé kon day dal di jëlal xol bi yaqku yaqku lolo tax islam kon téré yenn xétu pajin yi gis nga ma ngok yiñi dem ci xamb yek yi dem ci bukhaba yek gis nga katalika ba ci gisane nga xamni siwna lol tay ñu bari def ko métier ñen ñi sen lay moy ci la yor sama njabot ak ci la dem makkak yoyep du lay ma ngok bu fekke ci gisane gogu lay tax mu bax moy dang cey yor sa njabot waaw kon ki jay sangara nak ki jay drogue mom lutax ñukoy persécuter lutax ñukoy wër diko japp gis nga ko kazalika agresseur bi kazalika satch bi parce que ñoñu sel lor dafa visible gis nga lolu motax tay ce monde moderne là mu jara tegat ci balance mu jara jangatat pourquoi parce que lepp lo xamanteni ni valeur morale éthique mœurs bonne mœurs lolou dal il a tendance à disparaître ken joxatuko considération waye lepp lo xamanteni ni nak lu physique la lolou dal lañ jox considération bal bo xolé lu way ñi tek sax lu mel nonu lay régir lolou lay sam lolou lay protéger gis nga ko lolou nak da fay am tendance ray ci nit ki bobé yeg yeg lolou nak xamal ni xétu manipulation la xétu manipulation xétu doxalin bo xamanteni ni une partie ci doomu adama rek moy partie physique bi mom lañu jox importance mom lañ teural ay loi mom lañ teural ay doxalin benen partie bi nga xamanteni moy partie intérieuram spirituelam moralam ken joxoko importance lolou motax gis nga ngor jeex na fi dignité jeex na fi nité jeex na fi lolou nak c'est très dangereux lolu motax bu ngeen xolé catastrophe yi nga xamanteni ni muy xew yépp té yépp catastrophe yoyé yépp ci loxol doomu adama lay joggé nit mo koy def dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas mango sunu borom mu né yakouté dal perversion dal dina yi wasaro dal dina yi fess gis nga ko mango ci geejje ci jéri ji mango té lolé lepp doomu adama moko fakku waxul gaynde yi de mangok waxul jani gis nga ko mangok waxul buki waxul golay waye doomu adama mi ñu xel mangok bo xolé tay su fekke ce monde moderne la dem na ba toll ci jël ben secteur muy secteur bo xamanteni ni dara gënu ko nek yaq parce que da fay détruire l'humanité muy lan secteuru armement l'industrie de l'armement encore une fois duma dañ diko wax duma dañ diko joy duma dañ di ci yëkëti sama kaddu ndax tay bi ngeen xeyé yeen ñëpp de ngeen li xew té pourtant chaque jour mi ngi xew légo lég information yi day ñëw légo lég du ñëw barki demb ci Yaman ben village tout entier lañu soti ay bombu xétu bombu yi né fagaagal ay goor ñen ñi disparaître fagaagal ay jigen daanel fa ay jakka daanel fa ay dekk way ba amna ño xamanteni ni beskérok ñi ngi fanan à la belle étoile dara timu len mangok ci ay décombre lañ fanan mangok yaq auto ya manam lepp lo xamni moyen de communication la wala de circulation ñu détruire ko té kiko dañ def doomu adama la nit muy l'homme moderne mangok motax man daf may jaaxal trop suñ jëlé l'homme moderne ñukoy tuddé intellectuel parce que intellectuel dafa nek lo xamni dafa lambo ak xam xam ak xalat mais est-ce que l'homme moderne réfléchit lolu moy suñ jëlé l'homme moderne ñukoy tuddé intellectuel parce que intellectuel dafa nek lo xamni dafa lambo ak xam xam ak xalat mais est-ce que l'homme moderne réfléchit lolu moy wax ci est-ce que l'homme moderne mérite na ce titre là moy ñu tuddé ko intellectuel mangok parce que l'homme moderne mom moy fabriquer des armes nit ni mom moy jaay arme yi ba paré lo ci xamul moy bo xolé tay jamono ji jangat bi ngay am moy amna ben vouloir ben désir bu sombre bu ñuul kuku bo xamanteni ni dafa melni fi muy bëgg pousse nit ñi moy ci violence interreligieuse violence intersocio violence interfamiliale violence xéetu violence yu nekk dal ñu koy jéma activer ci digënté nit ñi taxawal tuuti rek nga sétlu nga xol bu baax ñëkke ko ci sa bop yow ci sa biir kër yow ak sa borom kër yow ak sa soxna yow ak say njabot yow ak say frère yow ak say sœur yow ak sa nijaay yow ak say oncle xolal fo laal violence ma nga fa réro ma nga fa dëngo ma nga fa méro ma nga fa mu melni lolu amna lu muy préparer parce que par exemple guerre bi ngeen gis Yaman tay bu len yaakar né c'est un simple guerre civile dedet guerre la bo xamni bokku na ci ay objectifam détruire société yéménite bi parce que société yéménite bokku na ci un des rares sociétés yi nga xamni ñom dañoo cramponé wu ci li nga xamanteni moy sen ndono ak sen diina té gañi tay liñu bëgg l'homme moderne mel ko tay lolu andul ak société yéménite bi da ngay dem fekk fa gaay yi di mokal alcorane di mokal sahih bukhari di ko doxonto gis nga rattaché wu ci sen turbi gis nga li turbi bi wax clan bi nonu lañuy démé tay gis nga guerre bi fa nek day top village yi di len détruire di len dévaster di len anéantir turbi par turbi clan par clan gis nga di def ay déportation déporter ñi feulé ñi mu déporter lepp manam jaxassé société bi jaxassé sen dérèt jaxassé sen société gis nga la nga xamni mom la alcorane doon wax nan waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu lolu gaay yi détruire ko dafa melni tay vision monde moderne bi lolou la am tay lolou ngay dundé yow ci sa biir kër presque yow ak say njabot bokato len dara xolal niñ lay isoler par rapport ak say dom jox nañ la portable jox sa dom tablette yene ngi ci même biir kër gi yene ngi bokku fi ngeen nek mais bokku len xalatine bokku len gisine bokku len gem gem li len di réunir moy bolo agn bi légolé sax ku ci nek da ngay jël sa assiette kon bokatu len dara ben enceinte bi ngeen nek bokatu len dara wala bok ma tuddé ko enclo mangok même enclo bi ngeen nek physiquement yene ngi fi sen présence mi ngi fi mais relation yi mi ngi lendeum mi ngi assombril donc da ngay gis né wax deug monde bi tay jarna taxawat laaj na xam xam bu sel waye laaj na xalat bu sel mangok surtout nak li nga xamni mi ngi jëm ci walu armement lu jara sul la lu jara arrêté la arrêté fabrication bi arrêté défar bék lépp mais bo xolé dafa melni arme yi sax yow ci sa bop ñoo la ëpp sécurité parce que défar arme day laaj ay licence jaay ko day laaj ay licence mais yow doomu adama yow sa nekkin fi amul ben licence xola tay waji ñew dugg ci bir jaaka fat ay nit tém yonam ñoo ñu ana sen licence su dundu xana ñoo ñu bokku ñu ci humanité bi mais être humain humanité buñ ko waxé être humain wax deug yalla daf ci yor par bu reuy bu fi être humain jogé humanité amatul mais moy yoyu kon ana sen signification moy ñi doon jangal ñuy tok ci école di jang ban l'humanité mais humanité lan lay signifier su fekente ne l'homme en personne s'autodétruit ana humanité moy fabriquer des armes aussi l'homme moy tek ay loi yo xamni day protéger ces armes là au lieu mu protéger les vies humaines mais protéger wul armes yi l'homme tay mom moy jog ngir lan ngir xaliss mu dugg ci industrie de fabrication d'armes xétu arme bu nek mu défar ko bu ko defé après nak ñu né ay organisation humanitaire dé nga tour biñu len tuddé ñu ngi jox pour secourir les victimes de guerre mais avant de secourir les victimes de guerre mais tégal programme bo xamanteni y aura pas de guerre donc arrêtez la fabrication de ces armes là ñu jël ay nit tuddé len scientifique ñu yor xam xam bo xamni toké la posan la ñu tuddé len scientifique mais connotation yoyu appellation yoyu hein scientifique intellectuel yu démé nonu humanitaire mais lolu mais xana amatul sen sens yi amone demb doyna war lolu yéme na doomu adama dal il s'auto détruit sur terre tay dal lolu ngay gis waji def lolu tay acteur la mais amna angle bokoy xolé c'est un victime parce que tay société bi dañ ko présenter ci anam bo xamni mom dafa japp ni ñe nek sen jakka tay ils sont néfastes pour la société je vais les détruire donc ban manipulation mo nek ci ginnaw nit ñi ba ñen ñi am animation bobu xolal islam bi yonent bi nan man qatala muahadan lam yarih raihat al janna xam nga gaay ñi ñi ngi jign islam terrorisme mais islam mo ñeuk renier lolu mo ñeuk dakk lolu yonent bi ne kep ko xamanteni ni kep ko xamni fat nga bakkanu ap yefer bo xamanteni ni dafa dugg légalement ci rew julit am fa coléré nga fat bakkanu bi yefer bobu xeto aljana dula xéñ ak ko meuna doon mais bu féké islam moy protéger bakkanu yefer kon bakkanu julit kèn waxatuko kon lan motax ñu bëgg jël terrorisme forcément ñu collé ko ak islam bu ko défé nak di def xétu provocation yo xamanteni ni manam da fay eurtel julit ñi laal seen yek yek bu ko defé ñom ñu jog ñi amul compréhension ci ñom def ay riposte ñu né terrorisme mi ngi ni lool yépp ci bir manipulation bi la motax il faut nit ñi jang seen diina mais aussi il faut nit ñi préserver seen xel xol bu baax li ñi consommer on est que ce que l'on mange loolu il faut ñu bayyi ci xel nañu préserver suñu xel wattandiku produit yi nga xamanteni ni yépp ay xéetu drogue la yu ci bari ay xéetu drogue la gis nga da fay détruire sa xalatine da fay fausser li nga xamni moy say vision catalika tamit yenen ay slogan yenen système yenen doxali ni nga xamanteni bu ñëwé tay da fay lan da fay dévier lo doomu adama daf koy pervertir yoy yépp mi ngi fi tay ci kaw suuf au nom de la liberté ay nit di jaay arme ay nit di yak ci kaw souf légalement arme yoyu mom lañuy jëfëdiko xolal guerre Syrie bi nenañ au minimum 21 000 enfants dé nañ fa kon enfants yi fa blessé ñi fa ñak sen tank ñi fa xalé yoyu ban bakkar lañ def xalé yoyu gañu Syrie xalé yi gañu Irak xalé yi gañu Libye xalé yi gañu fenen ak fenen ban bakkar lañ def ban responsabilité lañ am bañ leen di massacrer non di tour sen dérèt ban togn lañ def xalé yoyu ban togn ana instance yi nga xamni ñoy ay instance internationaux yi fi tok hein ana ñi fi wax droit de l'enfant ana UNICEF ana ñeneen xalé yi ñi ray Syrie xalé yi ñi ray Yemen xalé yi ñi ray Irak xalé yi ñi ray Libye ban bakkar lañ def xana xalé yoyu amuñu droit pour dundu droit à la vie bokku na ci tay li gëna jafé xana ñom amatuñu sañ pour dundu uniquement vivre uniquement alal gi ñi jël diko dépenser ci ay armes bu féké nité mi ngi fi bu féké intellectuel gogu ñuy wax ak ñaleen di défal ay loi di protéger lolu mais lolu war nañ ko mëna dindi naxasaayal armes yoyu bép xétu armes ñu naxasaayal ko alal jañ ca daan def ñu def ko ci lan ñu def ko ci jamm pour la paix ñu def ko pour lan pour xex la famine def ko lan ci ay yeneen secteur yo xamanteni ni secteuru njariñ la mais pa ñukoy investir ci lo xamanteni ni day dox ci destruction doomu adam gis nga ko kon wax deug yalla man buñ nan développement modernité aha wax deug yalla développement ak modernité bobu man dama japp ni war nañ ko tek ci balance ñu xol ndax dafa négatif wala dafa positif ndax lu positif la apporté l'humanité wala lu négatif la apporté l'humanité ndax dembu mom avant armée yi di am xétu tour dérèt bi amul won xétu yaq bi ci kaw suuf amul won nit day fat nit tay du xam lan motax mu fat ko États-Unis fenen ak fenen da ngay jek jek ñu né amna xalé bu indi fétal ci bir école bi ray professeur ray ay élèves lolu ci lan la ko tek ndax dafa yor ngannaay bu mëna def lolu dafa yor ngannaay bu mëna def lolu donc ngannaay yoyu di def lolu lan motax ñuy légaliser fabrication lan motax ñuy légaliser ventam ak luñ ko mëna wutal licence ak luñ ko mëna wutal ay loi waru ñu ko jaay waru ñu ko défar lolu la nit ku nité di wax waruñu ko jaay waruñu ko defar lolou nak aduna bi yep ku ci nek am nga ci responsabilité lo ci meuna bay sa war parce que usine yañi defare arme ay nit ñoo fay diggé ñakoy jaay ay commerciaux lañ gis nga loi ye koy régir ay nit ñokoy def ay politiciens kon ay nit lañ gis nga mu nek ben lañ ben combinaison bu ngandé ñoo ñep kérok yowmal qiyam dinañ rendre compte ci tok deret bu nek bo xamni touru na ci kaw suuf ci sen sabab lolu nagn ko xam bu baakha baakha bax yalla ñu borom bi tabaaraku taala sam delo ñuk sunu nité assalamu